Je suis bien placé si je vais à Grenoble? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À Genève? Oui. Réponse C. Non. Réponse D.